Des amis étrangers exaltent haut la grandeur du maréchal Kim Jong-un. Abdullahi Adamu, sénateur nigérien, a dit que le maréchal Kim Jong-un a honoré la Corée en puissance nucléaire, inébranlable à aucune provocation et menace militaire des ennemis, pour remporter la victoire finale dans l'édification d'une puissance socialiste, alors que Vorontsov, chef de section de l'Institut de l'Orientalisme de l'Académie des sciences de Russie, a indiqué que la Corée a manifesté dans le monde son potentiel militaire par les essais des armes dernier modèle. Les personnalités de divers pays, notamment le directeur du journal Action Nacionalista du Pérou et le président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria, ont souligné que la République populaire démocratique de Corée, conduite par le maréchal Kim Jong-un, continuera invariablement sa voie de l'indépendance, de Sungun et du socialisme, frayée par les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il.